Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bon matin, bon après-midi ou bonsoir. Mon nom est André Paquette du collectif qui vous invite dans cet épisode hors concours thématique Halloween où on a pu accueillir les gens d'Hérole, Éric et Marie, qui sont venus nous parler de leur projet Hérole.ca. On a parlé de sujets super importants et pertinents d'actualité, tels que l'Ebola, tels que Dustin Hoffman, des zombies et de l'immersion à ce moment-là. Donc, découvrez Hérole dans notre épisode d'1h30. Et par la suite, profitez-en également pour essayer de flasher un peu votre monnaie sociale. Partagez l'épisode du collectif, donnez-nous des likes, donnez-nous des commentaires, un tweet. Un tweet, ça coûte rien. Mais pour nous, ça nous crée de la visibilité et ça nous encourage à faire des podcasts de qualité, tels que l'épisode qui suit, dont je suis sûr que Éric et Marie des rôles vont apprécier. N'oublie pas d'aller laisser 5 étoiles sur iTunes, Geek Collectif le podcast. Sinon, nous envoyez vos commentaires et suggestions et même questions au podcast@geekcollectif.com. Sur ce, je vous laisse. Enjoy the ride. 1h30 de super bonnes discussions. On se revoit sur les internets. D'habitude, on start tout le temps, on fait un petit tour de table d'actualité. Si vous avez des sujets, justement, qui vous ont claqué cette semaine, n'importe quoi, vous pouvez vous gâter. OK. Est-ce que tu as un éditorial ou... Même, en fait, l'actualité, là, ça peut être j'ai écouté telle chose, je suis allé à Peur des pots, on veut pas se prononcer là-dessus. Bon, ben, à ce moment-là, on se prononce pas sur Peur des pots, mais... C'est l'Ebola là, qui trône, qui tend ces temps-ci, là, parce que les gens nous ont demandé si c'était... Si on s'est inspiré de la crise qui se passe en Afrique et puis aux États-Unis, mais c'est pas ça. Là. Ok, fait de tout ce qui existe depuis X nombre de temps à propos des zombies et des trucs comme ça, là, l'Ebola, c'est comme. Vous êtes inspiré de. Ben, c'est que c'est Parasite, notre parcours de peur cette année. Okay. La vieille prison, c'est Parasite. Donc, c'est une contamination, un parasite qu'on définit pas plus que ça. Okay. Mais qui affecte les humains de toutes sortes de façons, dépendamment de l'endroit où le parasite se loge dans le corps. Donc, ça peut être une fièvre hémorragique comme l'Ebola, mais ça peut être une défiguration, ça peut être de la folie, ça peut être un coma, ça peut être la mort. Donc, ça nous donnait beaucoup de liberté sur le type de personnage qu'on allait créer. Mais c'est ça, puis là, ben, y a une vraie crise qui se déroule. Fait qu'on la suit, tu sais, puis c'est vrai, mais moi, c'est la première fois que j'ai vraiment peur de quelque chose. Ah oui? Ben, t'écoutes les prédictions. Ouais, mais c'est alarmiste beaucoup, là. Ouais, mais non, mais il y avait un documentaire à Radio-Can, justement, où il y avait une dame qui avait prédit que ça s'en venait parce qu'ils ont coupé dans les budgets de l'Organisation mondiale de la santé. C'était tout pas ça, puis... ça, c'était arrêté d'autres choses. Ah, c'est ça. Oui, non, c'est pas nécessairement l'Ebola, mais qu'il va y avoir des crises parce que, tu sais, ça arrive pas. Donc, les gens sont complaisants. Fait que dans le fond, elle a prédit que le gouvernement coupait dans les dépenses de la santé pour que l'Ebola refasse surface puis que l'industrie de la pharmaceutique reprenne. Non, mais c'est un beau scénario. Ouais, quand même. Hein? Mais c'est, tu demandes que ça. Mais non, mais ce qui se passe aux États-Unis, ça m'a fait penser à ça, par une petite conspiration. Là. Parce que, tu sais, depuis les attentats terroristes, les gens voyagent moins. Fait que pour un État qui se veut pas totalitaire, mais plus contrôlant, c'est préférable que ses citoyens n'aient pas envie de voyager. Ouais. Donc, quoi de mieux que la crainte d'avoir des gens qui ont l'Ebola, parce que c'est vraiment fascinant, là, ce qu'on connaît de la maladie, puis que deux personnes qui sont censées être les plus protégées contractent la maladie, tu fais, hein? C'est normal bizarre. On se rend compte que ça nous rappelle Dustin Hoffman, puis des gens dans des films avec des singes qui ont été élevés avec ça peu, puis il y a eu Contagion il n'y a pas longtemps avec Jude Law aussi, puis la gang, donc... Ouais. Mais tu sais, c'est ça, fait que pour nous autres, c'était dans l'air. Il y a eu le SRAS il n'y a pas longtemps, tu t'entends la vache folle, c'est la grippe porcine, t'entends tout ça. Fait que là, on s'est dit, bon, c'est un bon thème, mais là, je pense qu'on l'a visé très près de la cible, finalement. En fait, c'est ça, ce thème-là, on l'a choisi depuis novembre passé. Le parcours qu'on faisait à ce moment-là n'était pas terminé. Puis ça nous était déjà venu comme thème. C'est juste par après. Que là, Parce qu'on pense déjà au thème pour l'année prochaine, pour les deux parcours. Ouais, donc, ils sont pas encore finis. Donc, pour les gens qui viennent de réaliser que je ne suis pas avec Milter et Eric, eh bien, en fait, je suis avec Eric, mais pas le Eric du podcast habituel, mais je suis bien avec les gens des rôles. Donc, je suis avec Eric et Marie. Donc, petit épisode spécial, dans le fond, hors concours. On avait la chance de se parler ensemble à Comic-Con. Donc, on a fait un petit networking, des choses comme ça. Vous avez un concept assez... Moi, c'est venu me chercher parce que j'aime beaucoup de la manière que vous l'avez présenté. Puis j'aimerais ça qu'on fasse d'entrée de gamme un peu. Juste, c'est quoi Erol exactement? Donc, Erol, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Je sais que là, on a fait une petite entrevue ensemble, mais là, on a la chance d'aller pas mal plus en profondeur puis de parler non seulement du projet, mais des gens derrière le projet aussi. Ben, Erol, en fait, le nom le dit, c'est héros et rôle. Donc, notre devise, si on fait de vous un héros, l'objectif étant de créer des événements qui donnent aux gens l'impression qu'ils sont dans leur propre film ou leur propre jeu vidéo. Donc, à partir de là, ça dépend de la thématique. Donc, si c'est l'horreur, ben là, l'Halloween, c'est parfait pour ça. Donc, on va créer des parcours de peur. On va créer des événements zombies. Mais s'ils préfèrent les intrigues policières, ben là, on a des activités aussi qui ressemblent à CSI. Si c'est une activité familiale, ben on a l'Institut, qui est une école de magie où les gens peuvent venir, enfants et parents, venir découvrir le pouvoir magique, puis venir combattre les forces du mal. Puis donc, c'est ce qu'on fait, c'est de donner l'occasion aux gens de cesser d'être des spectateurs et de devenir des participants. Puis après ça, ben, on leur demande quel est votre roman ou votre film préféré, puis on va vous créer ça, que ce soit de la science-fiction, que ce soit Sherlock Holmes, que ce soit quelque chose de plus sombre encore. Là. On peut vraiment essayer de recréer n'importe quel environnement, n'importe quelle situation, pour que les gens puissent devenir un participant dans cette histoire-là. Parce que c'est ça, c'est ce qui est très important pour nous, c'est de laisser la place aux participants, d'influencer ce qu'on a créé, dans quoi on les a plongés. Donc c'est vraiment... ils peuvent juste être spectateurs aussi s'ils le souhaitent, mais la place est toute là pour qu'ils participent, puis qu'ils interagissent, puis qu'ils influencent ce qui se passe. Puis là, dans le fond, on arrive d'une période de l'année où j'ai vu un peu sur votre site, sur Facebook, là, vous en discutiez un peu au départ aussi. Vous avez des parcours, des immersions, des trucs comme ça. Donc, c'est pas juste un événement, puis that's it, puis c'est ça par année. Il y a plusieurs trucs qui se passent. Là, présentement, la période d'Halloween s'en vient. Donc là, j'ai vu que vous avez quelque chose dans le coin de Verdun, dans le coin du 25 octobre. Ouais. C'est quoi qui se passe un peu pour vous ces temps-ci, là? Qu'est-ce que vous offrez chez Erol ces temps-ci? Mais on offre ce que les gens veulent pas. OK. Ça va bien. Mais j'aime beaucoup dire ça. Ever. Ouais, c'est ça. Mais à l'Halloween, c'est ça. C'est qu'on vous donne des choses que vous n'avez pas envie de voir et que vous n'avez pas envie de vivre. On essaie de... Mais c'est pas autant de faire peur, mais c'est de faire croire aux gens que ce qui se passe est vrai. OK. Donc, l'image que j'utilise, c'est nos événements. C'est un peu comme si vous étiez dans une ruelle la nuit, dans une ville que vous ne connaissez pas ou que vous êtes perdu dans le bois la nuit. C'est ça qu'on essaie de créer comme sentiment pour les parcours de peur puis les événements zombies. Le 25 à Verdun, c'est un épisode de la série Zombie. Ça fait presque 4 ans là, qu'on produit des événements comme ça tous les 2-3 mois. Où on va louer un lieu. Ça peut être un cégep au complet, ça peut être un entrepôt, une école secondaire, ou un parc, un marché aux puces industrielles, tous les lieux en fait, qui offrent un décor intéressant. Puis, on accueille entre 2 à 400 personnes à la fois, puis ils viennent et ils jouent comme s'ils étaient dans un jeu vidéo de zombies pendant 3 heures. Donc, ça, c'est ce qui se passe à Verdun le 25. Mais les parcours de peur sont à un autre niveau. C'est plus... je dirais pas scénarisé, mais... C'est plus encadré, en fait. Ouais, c'est juste ça. Un peu plus dirigé parce qu'on a des départs aux 15 minutes. Okay. Puis, à ce moment-là, on doit s'assurer que les gens circulent d'un tableau à l'autre dans les temps donnés pour pas qu'ils se rattrapent. Ce qui fait que dans chaque scène, ils peuvent interagir avec leur espace. Dans l'espace, ils peuvent interagir avec les animateurs, mais au bout d'un certain temps, souvent, ça se fait tout seul parce qu'on met en place des choses qu'ils ont envie de partir. Ou sinon, c'est l'animateur qui va les amener à passer à la prochaine scène tout en restant dans le scénario. Là, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Là. Donc, ça dure une heure, puis il y a de 7 à 9 tableaux, de 7 à 9 scènes où ce qui se passe différentes choses. Ils sont plus dirigés dans le sens faut qu'il passe d'une étape à l'autre au parcours, alors que les épisodes zombies, c'est 3 heures d'apocalypse où ce que ils peuvent aller partout, où ce que le terrain est accessible, ils font ce qu'ils veulent là-dedans. Mmh. Mais là, ils se promènent en masse. Vous me dites 3 heures d'apocalypse, 400 personnes. Là, on est 3 autour d'une table, puis je travaille pas avec vous autres. Là, vous êtes 2 derrière ça, vous avez une équipe, vous avez des gens, ça fonctionne comment? Parce que moi, j'entends ça, 400 personnes, puis tout de suite, la logistique dans ma tête, je me mets à calculer, puis comment vous faites, d'un, puis deuxièmement, chapeau aussi. Ou peut-être pas nécessairement dans cet ordre-là, premièrement, chapeau, deuxièmement. Mais ça se passe comment pour vous? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de préparation. Oui, oui. Ouais, ben là, avec le temps, on a monté des bonnes équipes vraiment solides, parce qu'on a plusieurs personnes qui gravitent autour de nous. Puis qui travaille avec nous, donc on a quelqu'un qui vient s'occuper un petit peu plus de la logistique, de l'organisation. Bref, on s'est mis à déléguer avec le temps, on a pu faire ça. Donc on est toujours là, on est sur le terrain, on travaille avec tout le monde, mais il y a quelqu'un qui s'occupe, mettons, de l'équipe de l'organisation. Puis on a aussi une équipe d'animateurs, qu'eux autres aussi, on les sépare en deux. Puis il y a beaucoup d'habitués, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sont là, qui reviennent très souvent nous aider. Puis parce qu'il aime ça aussi. J'ai cru comprendre qu'il aime beaucoup ça. Non, mais dans l'équipe. Puis même, c'est ça, il y en a qui viennent jouer, ils viennent participer, puis à un moment donné, ils disent « Ben là, j'aimerais ça aussi venir dans l'équipe d'animation, si c'est possible. » Fait que toutes sortes de choses en place qui sont possibles pour ça. Mais on a beaucoup d'habitués dans notre équipe là, qui le font. Fait qu'on est rendu qu'on a bien rodé toute notre méthode pour l'organisation, tous les préparatifs, on a des scénaristes qui nous aident aussi. Ouais, c'est presque, ça. Pour les zombies, là, c'est presque comme un scénario de Mission Impossible. On arrive à 11h le matin, on s'installe, t'as, les gens arrivent à 5h, l'activité est de 7 à 10 le soir, puis à minuit, piou, on a disparu. Puis il n'y a pas de trace. Wow. Okay. Mm. Donc, toute cette idée aussi là, de s'adapter, on offre vraiment des produits pour tous les niveaux. En fait, si je peux le dire ainsi, c'est que les participants vont participer à... C'est eux qui ont le pied sur l'accélérateur. Okay. Nos animateurs, en fait, qu'on appelle des immerseurs, parce que c'est plus que de l'animation, ce qu'ils vont faire, et ils vont... Ils autres, ils ont le pied sur le frein. Fait que, pour question sécurité, question s'assurer que, OK, bon, oui, on a une liberté, on peut improviser, mais il faut quand même se rendre à tel point, à telle heure, pour que l'activité puisse avoir un sens. Donc, eux, ils ont le pied sur le frein, mais les participants, plus ils veulent aller vite, plus ils veulent aller loin, plus ils veulent s'impliquer, plus l'immerseur va leur en donner. Puis là, selon les activités, il y a plus ou moins de liberté justement par rapport à ça. Donc, zombie, ça, c'est une activité, c'est une immersion qui offre, je pense, la plus grande liberté là, dans l'éventail de nos produits. Le parcours de peur, ça, c'est beaucoup plus structuré. C'est-à-dire que c'est une scène de 7 minutes qui a un début, un milieu, une fin. C'est improvisé à travers ça, mais on sait qu'il y a un autre groupe qui s'en vient, donc il faut que les gens continuent. On a CSI qui était peut-être un peu entre les deux. On a une activité qui dure une journée au complet. Donc là, on a encore plus de liberté. On a une activité qu'on offre dans les écoles. Il y a une activité de team building qui dure 24 heures carrément avec coucher, tout ça. Donc, on offre des activités pour, je dirais, un peu comme au cinéma. T'sais, il y a des films qu'on va voir, on éteint notre cerveau, puis c'est parfait. Puis il y en a d'autres, ah non, il faut qu'on réfléchisse un peu plus, puis il faut qu'on aille interpréter nous-mêmes qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la fin. Donc, au niveau de l'immersion, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, d'offrir des produits grand public. Puis des produits pour des gens qui ont envie justement d'aller un petit peu plus loin puis de s'investir encore plus. Mais là, tu dis aller un peu plus loin. OK, mettons, j'arrive à Zombie, puis là, je me suis renseigné un peu, fait que c'est stagé mon affaire, je vais être honnête là. Mais j'arrive là-bas, puis là, je peux être un civil, je peux être un militaire, un religieux, ou un médic. OK, les différences. Le rôle, dans le fond, que ces gens-là vont avoir dans le jeu, c'est interdépendant, j'imagine. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir l'éventail complet pour participer à Zombie? Ou... Pas du tout. Quelqu'un peut arriver tout seul, puis il va se faire un fun, comme il va avoir envie là-dedans, puis nécessairement, les gens se mettent à... Il va sûrement se mettre à parler à d'autres mondes, parce qu'il va se rendre compte, ben oui, qu'un médic, ça peut être pratique des fois. Fait qu'il va se mettre à côtoyer des gens à travers cet univers-là. Mmh. Mais ça prend rien, dans le sens, ça prend avoir le goût de triper. Mmh. Parce qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. Parce que pour le 25, la Verdun, vu que c'est la même journée que la marche des zombies, on a créé une nouvelle profession. Donc c'est exceptionnel pour cet événement-là. Donc les gens peuvent être morts-vivants. Parce que dans le jeu du zombie, évidemment, si ton citoyen ou ton militaire ou ton médic meurt et n'est pas guéri, ben il se relève en zombie jusqu'à temps qu'il arrive, là, pour utiliser le terme de jeu vidéo, respawn, puis là, il ressuscite, puis il revient. Mais on a créé la catégorie mort-vivant. Donc, ceux qui ont envie de jouer des morts-vivants, ben, ils vont pouvoir le faire pour cet événement-là. Donc, ça, c'est une façon de dire, bon, ben, les gens, ils créent leur propre personnage et ils le jouent à leur façon. Donc, ces professions-là sont là pour être le plus simple possible, mais pour servir de tremplin, pardon, pour le trip du participant. Un exemple qui me revient tout le temps, c'est qu'il y a un groupe qui s'était déguisé. C'était tous des citoyens, mais c'était déguisé en un mariage à la mexicaine. Donc, pardon, il y avait trois mariachis. Donc, ils s'étaient fait des armes en mousse, une trompette, des maracas, une guitare. Puis la mariée avait un gros magnum de champagne en mousse pour se défendre. Donc, c'est c'était pas cool. Nécessaire, mais eux, ils ont décidé que l'apocalypse arrivait pendant leur mariage. Donc, ils avaient leur gang avec eux. Puis, à un autre, pas un autre extrême, mais à un autre point là, sur le spectre de l'intérêt des participants, c'est une collègue à Marie qui est technicienne de laboratoire, qui était venue une fois, au premier scénario. Ouais, c'est le premier. Hein. Puis, nous, on utilise des pistolets Nerf. Okay. Donc, c'est inoffensif. Ça nous permet de louer n'importe quel lieu aussi, là, parce que les fléchettes en mousse, ça n'endommage pas. Ben oui. Et elle dit, ben, j'en veux pas de fusil. Tu sais, je suis pas confortable avec ça. Même si c'est un jouet fluo, là, jaune fluo, j'en veux pas. Elle m'a dit, ben, qu'après ça, un pareil pour te défendre à la fin de l'activité. Ça sachait tout, ça, j'en veux un. Elle est venue avec sa gang, sa famille, elle a amené son neveu. Et éventuellement, elle est devenue le médic de son groupe. Ah. Donc, sans vouloir lire trop, tu sais, trop, ben, dans ça, c'est que, elle s'est dépassée à l'intérieur de ça. Donc, c'est ça qu'on essaie d'offrir aux gens. C'est ça l'intérêt de l'immersion. En tout cas, de mon point de vue, c'est cette idée que, au lieu d'être spectateur de quelque chose, puis dire, ah, il était bon, lui, dans ce film-là, tu dis, j'étais bon. Puis on le voit constamment, continuellement, après chaque événement qu'on fait, les gens ont un besoin d'en parler beaucoup et ils se racontent leur bon coup. Justement, ils vont raconter quand. Ils vont s'être dépassés parce qu'ils vivent des émotions réelles, même dans un univers fictif. Leurs émotions sont là. Un autre exemple, moi, que j'aime beaucoup donner, c'est les montagnes russes, que tu le sais que tu es en sécurité, tu le sais, il n'y a pas de problème, mais ton corps, lui, il réagit un peu plus. Pour lui, il y a un danger réel, même si ta tête sait que ça ne l'est pas. Mais c'est un peu ça. Ils s'oublient là-dedans, puis ils vivent l'adrénaline, puis ils vivent beaucoup de choses. Puis c'est ça qu'on voit, comme je dis, on le constate toujours après. Oui, bien l'année passée. Le parcours de peur de la vieille prison de l'année passée à Trois-Rivières, c'était particulièrement évocateur parce que c'était les zombies. Okay. Et là, on aurait pu faire une étude sociologique. Dans le sens que si jamais, j'avise tous vos auditeurs, là, que si jamais il y a une véritable apocalypse de zombies qui se déclenche, là, allez vous cacher dans les bois. Restez pas avec des gens. Fuyez les foules. Isolez-vous. Parce que votre chum, votre blonde, va vous lancer devant les zombies et on le vit à maintes reprises. Puis c'est ça, à la fin, c'était fascinant parce que les gens disent « Hey, tu m'as lancé devant le zombie! » Puis c'est comme... Puis c'était pas tant réfléchi que ça. Non, c'est plus impulsif. C'était pas tant réfléchi que ça. C'est ça qui était fascinant. Oui, c'était vraiment particulier d'observer les gens avoir des comportements... Tu sais, c'est vraiment comme... L'exemple que je donne aussi souvent, c'est quand l'alarme de feu se déclenche, notre comportement change parce que le contexte change. Ouais. Mais on joue pas un personnage, mais on agit différemment. Puis là, il y avait des zombies, puis c'est pas, peut-être qu'au début, il y en a quelques-uns qui sont là, ah, oh, ben voyons, oh, mais c'est parce qu'à force de recevoir le message par tes sens que ce qui se passe est vrai, puis d'avoir une personne à côté de toi qui crie, puis t'entends des cris dans l'autre salle, puis t'es vois pas, puis il fait noir. À un moment donné, t'embarques, puis c'est ça, tes comportements vont être comme si c'était vrai. Et c'est vraiment fascinant parce qu'on voyait qu'il y a des gens qui étaient très posés, très en contrôle de la situation. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis il y en a, tu sais, qui essayaient de contrôler le groupe. Puis la majorité, c'est ça, qui sacrifiaient leurs amis pour les sauver leur peau. Les gens posés, c'était vraiment eux autres qui lançaient leurs proches devant les amis. Non, en fait, il y a des gens qui essayaient de dire « OK, calmez-vous, OK ». Puis là, ils écoutaient les instructions, puis ils essayaient de comprendre comment faire pour survivre puis sortir de cette espèce de huis clos là, qui est la vieille prison. Puis le reste, la majorité, c'est ça, ils étaient proactifs, mais... En utilisant leurs amis comme boucliers humains. Puis il y avait quelques personnes qui étaient comme des boucliers humains complètement... Abasourdis. Oui, c'est ça. Qui ne pouvaient... Ils n'arrivaient même pas à protester contre le fait qu'ils étaient lancés comme des boucliers humains. C'était aussi au conservé d'eux comme ça. C'est assez particulier. Mais à la fin, tout le monde est super content parce qu'ils ont survécu. La même chose, c'est ça, l'exemple de la montagne russe, c'est super pertinent parce que les gens ont le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Il y a une dame que j'ai rencontrée l'année passée au parcours de peur. C'est la quatrième année qu'on le fait à Trois-Rivières. Puis elle, c'était sa troisième année. Puis elle dit, hey, j'ai fait les trois autres. Là. Puis en fait, c'était sa troisième fois. Elle m'a dit, elle n'a pas terminé. Mais elle dit, à chaque fois, là, depuis 3 ans, je me rends un petit peu plus loin, puis un jour, je veux me rendre à la fin. Fait que, OK, c'est extraordinaire que quelqu'un, à travers la fiction, puisse se dépasser. Mais tu sais, tu faisais le parallèle avec un jeu vidéo à quelque part aussi, mm-hmm. mais tu sais, le sentiment de dépassement vient un peu par ça aussi. Tu sais, c'est... On avait déjà parlé au collectif il y a quelques épisodes, le fait que au fil du temps, les jeux vidéo, si on prend dans le début de l'évolution, des jeux comme Space Invaders, des choses comme ça, il n'y a peut-être pas autant d'histoires, mais le jeu, mm-hmm. en bon québécois, sacré de voler. Mm-hmm. C'était dur, pis, mais on jouait quand même, puis on voulait se dépasser. Fait que si on rajoute une histoire là-dedans, puis on rajoute l'aspect de l'immersion, ben, t'sais, justement, plus c'est difficile, il doit y avoir des individus, justement, comme cette dame-là, que, hey, regarde ça, OK, c'est vraiment difficile, puis à un moment donné, je vais la finir le parcours, là, puis je vais être capable de le vaincre. Oui, puis c'est qu'il y a un filet de sécurité. Mais on le voit absolument pas. L'oublie. Ouais, oui, on embarque, oui, c'est vrai. Puis on l'oublie, on sait qu'il est là, mais on y pense plus. Ouais. Puis on se laisse embarquer. On se laisse embarquer dans le jeu. Puis même dans les jeux vidéo aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont de plus en plus pas interactifs, mais que t'as de plus en plus de latitude dans le jeu, de tout ce que tu peux faire. Mais nous, ça. Il y en a. Et le marché du jeu vidéo, je pense, va très bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis nous, ce qu'on veut, c'est un peu ça, mais le vivre pour vrai. Mais je pense que vous avez un attrait aussi dans ce que je comprends du concept, c'est que le jeu vidéo va souvent avoir beaucoup de latitude. T'sais, on a vu l'apparition des Grand Theft Auto, des choses comme ça, où bon, ben tu vas à gauche, tu vas à droite, tu fais ta mission, peu importe. Mais ça reste quand même, c'est scripté quand même à une certaine limite, des choses comme ça. C'est sûr que j'imagine que vous avez quand même vos murs invisibles, vous aussi, dans le concept. Mais d'un autre côté... Comment ça se déroule une partie? Parce que là, on a parlé, OK, il y a un religieux, il y a un civil, des choses comme ça. Mais mettons, moi, j'arrive là, du jour au lendemain, puis je suis civil. Là, je rentre, puis je m'en viens dans une game. Je fais quoi? À part avoir peur, puis courir. Oui, ben, on va t'accueillir. Okay. Puis si t'as pas, si t'as jamais vu nos règles, parce qu'il reste qu'il y a des règles du jeu pour qu'il y ait un cadre pour qu'on ait beaucoup de plaisir, mais ça prend un cadre. Mais on les a gardés toujours très, très simples. Puis si t'es un civil, t'as pas besoin de savoir nécessairement qu'est-ce qui fait le religieux, le médic ou le militaire. T'as besoin de savoir, toi le civil, qu'est-ce que tu fais, puis comment tu meurs, puis comment tu reviens à la vie, puis comment les zombies puis les contaminés fonctionnent. Donc si t'es pas lu, puis on a une vidéo en ligne aussi maintenant, ben on va t'envoyer dans la salle pour les regarder nos règles, pour que tu puisses jouer. Un peu comme quand j'allais chez Dark Zone, quand j'étais plus jeune, ils me faisaient rentrer dans la salle, puis t'avais une petite vidéo qui te montrait comment jouer, puis ensuite, ils te lançaient. Puis... Parce que, tu sais, c'est comme n'importe quel jeu, à n'importe quel niveau, ceux qui respectent pas les règles, ça gâche le plaisir des autres. Ben oui. Donc, c'est important de le savoir. Puis comme je dis, on les a regardés vraiment très, très simples, parce qu'on veut, on vise avoir monsieur, madame, tout le monde qui vient, puis il y en a qui viennent. Puis on vise les gamers, c'est sûr, mais eux autres, eux autres, ils comprennent déjà tout. puis c'est ça. Après ça, ben à partir un peu avant 7 heures, on a des petites instructions à donner, tout dépendant des lieux. Des fois, il y a des petites choses à savoir. Puis après ça, à partir de 7 heures, ben on lâche le go, puis tout le monde part de chacun de son côté, comme ils veulent. Nous, on a toute notre équipe d'animation. Qui sont nos contaminés, c'est-à-dire que c'est des zombies à la 28 jours plus tard, très agressifs, qui courent, on les maquille et tout. Puis après ça, dans le jeu, c'est les participants qui deviennent des zombies à l'occasion, quand ils meurent, avant de redevenir vivants. Donc, la variation du nombre de zombies et contaminés varie quand même. On a toujours notre équipe d'animation qui est là, constamment. Mais des fois, il y a plus de zombies tout d'un coup, puis des fois, ça revient, ça joue là-dessus. Mais là, mettons, je meurs dans le jeu, c'est quoi? Je me couche à terre, je me pitch une pinte de faux sang dans le front, puis ensuite, je me relève, puis je pars courir? Non, c'est que tout le monde a des brasseurs de vie. Okay. C'est de l'enlever, puis d'agir en zombie jusqu'à temps que tu te rendes à un point de résurrection qu'on a tout dit à tout le monde son roux, pour se reprendre un bracelet. Puis de rembarquer dans le jeu. Fait que là, faut que tu retrouves ta gang. Si t'étais en gang. Parce que tout un système aussi où ce que on met de l'animation, mais on crée des. On a une histoire aussi. Il y en a qui veulent juste venir tuer du zombie, puis c'est bien correct. Mais il y en a d'autres qui ont envie d'avoir une histoire. Fait qu'on a créé un univers aussi. On a créé une histoire qu'on fait évoluer en fonction de ce que les gens font. Parce que l'autre particularité qu'on a développée, c'est un système de jeu pour des groupes. Okay. C'est-à-dire que si tu es 8 personnes inscrites sous le nom d'un groupe, tu rentres dans ce... Ben, t'es pas obligé, mais tu rentres dans un petit système qui est un petit peu plus élaboré, mais qu'on a gardé quand même que ce soit simple et clair, puis pour marquer des points puis avoir des missions. Okay. Fait que là, à ce moment-là, on se met à créer des missions pour les groupes, puis les groupes s'arrachent un peu la réussite de ces missions-là. Puis on, depuis le temps qu'on fait ça, on a au moins une quinzaine de groupes. Ils sont pas toujours là à tous les épisodes, mais ils sont là. Ils se créent leur histoire, ils se créent leur couleur, ils se créent des embûches, des fois, eux-mêmes. Puis là, ils rentrent en compétition. Il y a des groupes qui aiment pas les autres groupes dans l'histoire parce qu'ils ont des raisons qui marchent avec l'histoire. Ça, on a un groupe, par exemple, de cannibales, là, où ce que eux autres sont pour... sont pro-zombies. Sont pro-zombies. Ça, c'est une bonne chose que ça arrive, puis ça va être l'avènement de la deuxième humanité qui va éclore avec ça. Puis ça, c'est tout leur bagage. On a un groupe, eux autres disent... c'est comme si c'était les militaires québécois, là. C'était comme si c'était l'armée québécoise. Okay. Ils sont là pour le bien du Québec. T'sais. Fait qu'ils s'inventent toutes ces histoires-là. Il y en a qui se créent leur site web. Ils ont tout leur groupe Facebook. Ils nous ajoutent dessus. Fait qu'on voit un peu, on peut répondre à leurs questions déjà là. Fait qu'ils nous incluent beaucoup aussi là-dedans. Puis c'est beau à voir, là, parce que justement, là, sont dans tout, là, c'est très, ça bouge là, présentement dans les groupes parce qu'ils se préparent. Ils ont une date limite pour s'inscrire aussi pour nous laisser le temps... De préparer leur mission pour que ce soit intéressant. Puis, il y a tout ce volet des groupes-là. Puis sinon, on crée toujours des missions générales parce que tout le monde a accès à ça, sont affichés à un endroit. Fait que n'importe qui peut passer devant puis décider d'embarquer dans cette histoire-là puis dans cette mission-là. Fait que dans le fond, eux autres, ils vont rajouter, j'imagine, aussi ces groupes-là préorganisés, puis ceux qui reviennent souvent, ils rajoutent à l'immersion. Mais j'imagine, eux autres, ça doit être les plus fuckés qui doivent se costumer au bout, puis arriver avec les guns nerf modifiés, puis des choses comme ça. Il y en a un qui est extraordinaire, c'est le garage Normand Allaire. Ah oui. C'est un garage. Eux autres, c'est ça. C'est des garagistes. Oui, c'est ça. C'est le staff du garage. Fait qu'il y a la réceptionniste, il y a... la personne qui change les frames sur la transmission, tu sais, je veux pas leur mettre leur assigner des personnages, mais ça, puis ils ont toutes leurs fausses cigarettes dans la bouche, puis c'est très cliché ce qu'ils font, c'est beau, c'est, là. Ouais. Fait que ça ajoute vraiment, mais tu sais, c'est ça la force. En fait, je dirais la force, ce qui fait que ça marche, ce qu'on offre là, c'est justement qu'on fait juste offrir un terrain de jeu à ces gens-là, puis on joue à ces gens-là, à nous, je veux dire, parce que on en fait partie, tu sais, mais c'est que on joue comme on jouait quand on était enfant, mais avec des moyens d'adultes. Mm-hmm. Fait que c'est ça, ça rouvre un univers. Puis ça, le garage Normand Allaire, ils sont fascinants parce qu'à chaque épisode, ils nous arrivent avec des objets peints en or. Donc, une fois, c'était des essuie-glaces, une fois... ouais. Tu sais, des affaires qui ont rapport avec un garage. Puis ils nous disent, OK, cachez ça. Fait qu'eux, ils se donnent un défi supplémentaire. Faut qu'ils trouvent la paire de wipers dans l'air. Fait que nous, on les met quelque part, puis ils disent, écoute, faut qu'on les trouve. Puis après, il y a un autre groupe, eux autres, ils fabriquent un objet. Bon, mettons, on prend un fusil neuf modifié, qu'ils vont le peinturer, ils vont lui donner quelque chose. Ils le cachent, ils créent une mission accessible à tout le monde, puis ils donnent cet objet-là à la personne qui va réussir. De leur propre initiative. Leur propre initiative. Fait que dans le fond, le monde a même trouvé un moyen de pas d'éviter les règlements, mais ils ajoutent au jeu. Ouais. C'est comme une pleure de plus, là, parce qu'il y en a un autre groupe qui s'est inventé. Ils ont fait ça, ils mettaient des bas sur... nos animateurs les contaminaient. OK. Là, ils sont mis à mettre des bas pour dire, ben ils peuvent plus nous tuer parce que ils blessent avec leurs mains, là. OK. Là, ben là, ça marche pas. Ils vont blesser pareil, mais là, ils se donnaient le trouble de pendant qu'ils ont tué et qu'ils sont couchés à terre pas très longtemps de faire ça ou ils se prenaient en photo aussi puis ils se créaient des échelons. Ils font des selfies avec la main. Oui, c'est ça. Ça aussi, on encourage, on crée des missions aussi reliées à ça. Là. Mais c'est ça, tu sais, où ils s'étaient créés des échelons. Puis je me rappelle plus de leurs règles de jeu, mais c'était eux autres qui avaient tout créé ça. Fait qu'il y avait un jeu dans le jeu qu'eux autres s'amenaient pour eux autres. Ben, pour le fun. Tu sais, l'équivalent, c'est un peu. Comme les jeux vidéo maintenant, ils mettent surtout les jeux de course, mais tu sais, ils te laissent l'éditeur. Ouais. Tu sais, avec le jeu. Fait que là, tu peux créer ta propre course. Mais l'avantage que l'immersion offre par rapport aux jeux vidéo, puis j'adore les jeux vidéo, j'arrêterai pas d'y jouer, puis j'arrêterai pas d'aller au cinéma. Mais l'avantage de l'immersion, c'est que ce sont des humains. Et là, de mon point de vue, là, de mon très humble point de vue, c'est que c'est la seule véritable interactivité. Parce que, t'as comme envoyé une petite dans cette direction-là tantôt, c'est que le jeu vidéo, ça me semble infini parce que mon cerveau ne peut pas calculer aussi rapidement que l'ordinateur, mais le fait est que c'est limité. Ouais. Que si je pouvais calculer aussi vite que la machine, je verrais les murs qui sont qui entoure le monde fictif. Mais nous, parce que c'est des humains qui parlent avec des humains, les possibilités, de mon point de vue, ça, sont décuplées. Là. C'est presque infini. Genre, un humain, il a quand même ses limites, mais qu'est-ce qui dit qu'à cette situation-là, il va aller à gauche plutôt qu'à droite? Tu sais, ça se calcule pas, alors que l'ordinateur, lui, il y a un algorithme qui va faire que si tu as fait telle chose, ben tu vas avoir telle option, il va aller là, puis oui, il peut avoir une part de hasard. Mais ces gens-là peuvent vivre leur passion à leur façon, puis aller aussi loin qu'ils le veulent. C'est là que ça doit être assez difficile dans certaines occasions. J'imagine que vous avez eu des groupes de passionnés, là, ça vous en parlez. Mm-hmm. Vous avez plusieurs exemples, mais il doit arriver des situations où ça dérape, puis là, vos immerseurs, comme vous les mentionnez, ramenez ça, puis OK, ben là, faut les ramener dans cette pièce-là, ben là, on s'éloigne vraiment de l'objectif, on n'est plus là pantoute. Ça arrive pas souvent. En fait, à Zombie, par exemple, là, c'est plus des ostinages de règles, des choses les plus plates à régler. Puis, tu sais, on a nos immerseurs, mais on a notre équipe d'organisation, on les appelle nos sentinelles. Ils aident à l'organisation, puis ils patrouillent. C'est comme les arbitres, si on veut. Puis c'est eux autres qui... T'as pas t'as pas l'air assez d'un zombie, rends-toi plus lentement. Tu sais, bon, qui surveillent un peu le bien du déroulement de l'activité. C'est plus ça qu'on a à gérer pendant le zombie. Puis pendant puis sinon, dans nos autres concepts, ben parce que dans nos autres concepts, nos immerseurs sont un petit peu plus près, il y a moins de monde. En général, puis sont plus près un peu des participants, c'est des magiciens. Ils vont les immerseurs, parce que, tu sais, l'animateur, un peu comme l'acteur, est formé pour dire regardez-moi, regardez-moi. Nous, nos immerseurs, c'est faites-le, vous avez besoin d'aide, petit indice. Faites-le. T'sais? Donc, quand le participant va à droite ou à gauche, l'immerseur est dans un mode parfait. C'est comme un prestidigitateur. Il y a un truc de carte, le seul que je suis capable de faire, mais que je te dis, choisis tel paquet, puis si tu prends le bon, ben je garde le bon. Si tu prends le mauvais, ben j'enlève le mauvais. Donc le résultat est le même. Mm-hmm. Si je fais pas le tour deux fois de suite, ça va passer trop vite. L'exemple que je peux donner, c'est au tout début, là, quand on commençait à faire ça, là, c'est dans un des scénarios que j'avais écrit, j'avais invité des amis à venir tester le scénario, puis c'était clair que c'était comme une espèce de grande générale. Fait qu'on s'était donné un peu plus de latitude, même, de ce point de vue-là. Puis, il y avait quelqu'un qui avait été kidnappé. Pour les auditeurs, je fais le signe international des guillemets dans les airs. Donc, il avait été kidnappé et on retrouve son numéro de cellulaire. Donc, un des participants téléphone. Donc, faites-le. Et il s'appelle Benoît et il appelle Thomas, l'immerseur. Et dans son improvisation, Thomas dit à Benoît, faites confiance à personne. Ce qui n'était pas prévu, mais qui cadrait dans la discussion qu'il avait eue. Fait quand Benoît raccroche, Benoît qui est un de mes amis, qui sait que je suis le metteur en scène, que je suis l'auteur, tout ça. Il dit, ben moi je lui demande, puis qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, ben Thomas nous a donné rendez-vous, mais il a dit de ne pas faire confiance à personne. Fait que je pense que ce serait mieux que tu viennes pas. Là on s'entend, là, c'est un gars d'Ottawa qui venait à Montréal. Moi je suis là, je les guide dans le scénario que j'ai écrit, je suis posé rester avec eux autres tout le long. Mais parce que c'était un test, j'ai dit, parfait, je retourne à l'appartement. Je fais encore les guillemets. Bon. Fait que j'appelle mes animateurs, puis je dis, ok, je suis plus avec le groupe, mais on va voir. Si jamais il y a un problème, on verra, mais bon. Ils se rendent au restaurant. C'est moi qui avais pris la réservation, donc je savais où il allait être assis. Donc, je les voyais de l'extérieur par la fenêtre. Je leur téléphone. Il y en a un qui répond. Puis je dis, mais vous êtes où? Là, j'étais à l'appartement, il n'y a plus personne. Êtes-vous rendu au restaurant? Et il me dit, non, on s'est perdu. On n'est pas encore arrivé. On te rappelle quand on arrive. Fait que dans le fond, toi, tu n'avais plus aucune crédibilité. Non, mais encore plus que ça, c'est que les personnages mentaient à l'auteur. Je les voyais, là, mais parce qu'ils étaient dans leur propre trip, ben, il me mentait. Puis j'ai été réintégré, sans problème, tu sais. Mais, puis, pour les personnes qui se disent, mais voyons, comment ça marche? Je vais vous donner un exemple. Mettons, quelqu'un n'a jamais écouté un film à la télévision. Puis, je lui explique comment ça marche. Je dis, ben, va voir un film, ça va durer à peu près 2 heures. Puis, à toutes les 15 minutes à peu près, tu vas avoir une pause d'à peu près 2 minutes où tu vas avoir comme 10 sujets qui vont être bombardés, là. Puis, tu vas peut-être aller aux toilettes en même temps puis aller chercher de la bouffe. Puis, quand ces 2 minutes-là vont être terminées, tu vas revenir puis tu vas réintégrer le film. Pas de problème. Puis, quelqu'un dirait, ben voyons donc, si c'est impossible, tu veux complètement des... Non, on est programmé pour ça. Donc, on est capable de... On a tellement joué, on a tellement écouté de télévision, on a tellement joué à des jeux vidéo, tout ça, que je pense que notre société, dans notre petite partie du monde, là, du premier monde, là, de l'Amérique du Nord, occidentale, Europe, tout ça, qu'on peut se payer ça, on peut jouer à vivre. On est rendu tellement sophistiqué de ce point de vue-là qu'on peut vraiment faire semblant d'être dans la vraie vie. Parce qu'on sait comment faire. Si je dis CSI, même si tu n'as jamais vu un épisode de CSI, tu sais c'est quoi. Fait que tu vas pouvoir faire semblant. Il n'y a pas de problème. C'est ça, les gens ont beaucoup de références aussi beaucoup par le cinéma puis les jeux vidéo aussi maintenant, que c'est ce qui va les inspirer. Puis ce qu'on crée comme événement, c'est les gens sont pas obligés de jouer un personnage. Ils peuvent être eux-mêmes. Ils peuvent se créer des personnages puis embarquer là-dedans. Il n'y en a pas de problème. Il y en a plein qui le font. Mais c'est pas une obligation. Ça vient vraiment d'un vouloir de la personne. Parce que je vais en venir au jeu de rôle où ce que les grandeurs nature médiévaux au Québec, il y en a vraiment beaucoup. Et on a beaucoup de ces joueurs-là qui viennent dans nos événements parce qu'ils ont tout de suite compris, eux, qu'est-ce qu'on faisait. Puis ce qu'on remarque, c'est les groupes les plus flyés, c'est des joueurs de ces univers-là. Mais là, ils viennent dans un autre. On est plus, c'est pas médiéval du tout, là, ce qu'on fait. Là, c'est très, très moderne la plupart du temps. Là. Mais c'est ça. Fait qu'ils viennent de ce milieu-là, si on veut. Puis puis ils se mélangent à monsieur, madame, tout le monde. Mais ça doit rendre un niveau d'accessibilité aussi, parce que c'est sûr que certains concepts du LARPing, là, donc les grandeurs nature, les choses comme ça, c'est le fun, le concept, mais pour moi, de mon côté, ça a tout le temps été OK, mais là, attends un peu, là, ça me prend une armure, il faut que je me fasse une cape, là, les épées en mouche. Puis j'ai un de mes amis qui me montrait, puis il disait tu vois, c'est pas compliqué de faire une épée. OK, c'est compliqué, c'est relatif, là, mais regarde, pour toi, ça ne l'est peut-être pas. Mais ce que j'ai aimé, justement, quand je disais les règlements, c'est tu peux arriver habillé monsieur, madame, tout le monde, tu rentres, puis vu que c'est moderne, c'est actuel, ben. OK, oui, on peut dépasser, puis se déguiser en mariage mexicain ou en armée québécoise, peu importe, mais par exemple, en t-shirt, en finissant de travailler, puis on embarque. Exactement, là. C'est vraiment une option de mettre du plus-plus dans ton costume, puis on va même allouer des armes pour ceux qui veulent l'essayer ou qui ne veulent pas en acheter ou qui ne sont pas sûrs. On va t'en louer une, que ce soit un fusil ou une arme en mousse là, qu'on a aussi. Fait que c'est tout. On veut que ce soit accessible à tout le monde. C'est ça, moi, mon parcours. T'sais, c'est mes études doctorales qui m'ont lancé là-dedans. Je suis un metteur en scène de formation. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, c'est plate, t'es assis dans le noir. Encore, comme je disais, par rapport aux jeux vidéo et au cinéma, j'adore le théâtre traditionnel. Je fais encore des mises en scène. T'sais. Mais pour moi, d'être assis dans le noir puis de ne pas pouvoir contribuer, alors qu'il y a quelques centaines d'années avant l'invention de l'électricité, on jouait en plein air ou avec les chandelles allumées. Fait que tout le monde se voyait. Puis si c'était plus intéressant dans la salle, ben ça se passait dans la salle, le spectacle. Donc, pour moi, le parcours que j'ai choisi pour en arriver à être producteur d'immersion, c'est ça, c'est cette idée-là que j'ai envie de participer, j'ai envie de contribuer à la création de l'histoire. C'est pas juste être là, c'est passif. Puis, mais il doit y avoir un certain trip aussi où j'imagine que, tu sais, tu parlais justement la première fois que tu as fait la mise en scène, puis là, ouais, puis t'ont sorti toi-même de ton propre scénario, tu fais sortir, tu fais, oh, t'as peur. Mais il doit y avoir un certain challenge aussi où, est-ce que c'est déjà arrivé qu'en pleine immersion, dans le fond, oh, ben, t'as peur, il y a de quoi d'intéressant, on va l'essayer à soir. Je prends l'histoire, on s'en allait à droite, mais là, je l'envoie à gauche totalement, puis on essaye d'adapter. Ça doit être une belle attitude. Oui, quand même. Parce qu'on a, avant de fonder Rôle, on a contribué à d'autres projets à caractère immersif, dont un camp pour les jeunes. Puis c'est ça, tu sais, le camp, il se répétait plusieurs fois dans l'été, se passait sensiblement, c'est le même scénario. Mais il est arrivé des moments où, justement, les jeunes, paf, prenaient une initiative qui faisait changer un peu ce qui était prévu, mais que ça restait quand même dans la direction de ce qu'on voulait aller. Fait qu'on est allé avec leur idée. Puis ça a été bien le fun. Ça s'est super bien déroulé. Ils sont toujours encadrés de toute façon, comme si c'est de la magie. C'est de la magie qu'on fait autour de ça. C'est la prestidigitation. C'est créer des coïncidences. C'est là l'expérience. C'est pour ça que c'est l'immerseur qui est important dans tout ça. C'est que c'est d'avoir la confiance de dire, OK, on va y aller à droite à soir. Normalement, c'est à gauche, on va y aller à droite. Puis après ça, c'est de trouver le procédé qui va faire qu'on va revenir à gauche comme si c'était prévu. C'est, est-ce que je vais dire, hein, mon cellulaire, j'ai oublié mon cellulaire, il faut y retourner. Est-ce que c'est de dire, avez-vous entendu le bruit? Puis là, tu attends, puis là, les gens vont faire, hein, oui, je l'ai entendu. Tu fais juste planter la graine, puis tu laisses les gens les participants. Puis dans le fond, ils vont choisir la direction où ils veulent aller. Oui, puis ce que je trouve absolument extraordinaire, parce que moi, quand j'étais comédien ou quand je joue, tu sais, je suis pas très bon, mais je mémorise mon texte, mais je le change tout le temps. Alors, moi, j'aime beaucoup en immersion d'avoir la latitude de pouvoir dire « Hey, François! » Puis il me dit « Ben, c'est pas François mon nom, c'est Marc. J'étudie François. Hey, je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Excuse-moi, Marc. » Puis ça passe comme dans du beurre. Parce que c'est la vraie vie. Puis on peut révéler même un espèce de petit punch secret de l'immersion, au sens où, tu sais, dans la façon dont on écrit, c'est que ça commence souvent par « on est désolé, il y a un problème technique, fait que, on va le faire l'événement à soir, mais ça sera pas exactement comme c'était prévu. » Fait que là, les gens vont souvent faire « Ah, ok, ah, bon, ben, ok, c'est cool qu'ils nous le disent, d'habitude, ils l'avoueraient pas, mais, tu sais, puis si on acceptait ce premier petit mensonge-là, parce que cette phrase-là fait partie de l'événement, ben, ils vont accepter l'autre petit mensonge, puis l'autre, puis à un moment donné, ils sont embarqués complètement, puis ils savent plus où se trouve exactement la limite entre la réalité et la fiction. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, si on déclenche l'alarme d'incendie, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Tu vas-tu prendre la chance? Est-ce que le jeu arrête? Est-ce que le jeu continue? Tes sens te disent que c'est vrai. Oui. Fait que, tu sais, puis il y a vraiment pas de limite. Je veux dire, l'autre exemple que j'adore donner, c'est ça, c'est une petite fille là, pour son 12e anniversaire, c'est des amis à nous, tu sais. Puis la fille, on l'engage comme animatrice. Puis ils nous ont engagés, oui. Puis ils ont dit, hey, pour sa fête, pourriez-vous faire quelque chose, c'est pour elle? Puis elle a dit oui. Fait qu'on est allé voir dans sa chambre, puis elle trippe sur Twilight, la série de vampires. Fait que pendant 2 semaines, avec l'aide de toute sa famille qui était dans le coup, elle a cru que les vampires pouvaient exister. Les vampires scintillants ou les vampires... Non, des vampires, non, quand même. Mais tu sais, des vampires à la vieille école. OK, là, OK. Pré-Twilight. Mais elle les a pas vus de si proches, mais elle a failli te kidnapper. Elle avait à décoder à chaque soir des messages secrets qui étaient laissés dans sa boîte aux lettres. Elle recevait des appels téléphoniques, des courriels. En fait, c'est ça, c'est que la prémisse, c'est un peu comme le film The Game. Avec Michael Douglas, Sean Penn, le 1927. Bon, c'est un petit peu la même prémisse là, qu'on avait faite, au sens que ses parents avaient dit « on t'a acheté un cadeau spécial, il faut que tu contactes telle personne ». Puis on avait mis un de ses amis dans le coup, il a dit « Hey oui, mes parents m'ont donné ça à fête, c'était écœurant, faut que tu le fasses. » Fait que ça a commencé par ton chum, ton meilleur chum, t'a dit « C'était cool, c'est sûr que t'embarques, tu sais. » Puis c'est ça, fait que tout ça pour dire que ça a commencé par un questionnaire, fallait qu'elle réponde au téléphone à un questionnaire. 2 jours plus tard, on la rappelait, elle disait « Ah ben, excuse, ça pourra pas marcher. » Ah, mais puis à travers ça, on avait un ordre, tu sais, c'était une ado de 12 ans, là, fait que, tu sais, le sens, tu sais, la fiction est pas aurait pas été la même pour un adulte, disons, mais tu sais, on a créé un ordre secret, qui l'a contacté en secret pour la mettre en garde contre l'organisme qui l'avait passé. Puis là, c'est ça, fait que là, on l'envoyait comme en mission pour chercher des informations, d'aller espionner quelqu'un. Il a hacké un ordinateur. Alors, il a fait hacker un ordinateur, on l'a fait aller espionner quelqu'un qui travaillait dans une microbrasserie qu'on connaissait, parce qu'elle avait, en tout cas, il l'avait même menacé, puis ça, sur 2 semaines, elle passe proche de se faire kidnapper, finalement, elle fait confiance à l'ordre secret, puis c'était ça le but, puis ça finissait que... pour être acceptée dans l'ordre, il fallait qu'elle nous fasse une démonstration. Puis c'est une fille qui faisait du tissu aérien. Okay. Fait que, on avait tout placé, puis ses parents étaient là pour lui suggérer cette idée-là, de faire une démonstration de tissu aérien devant les membres de l'ordre secret. Tout le monde, c'était tous ses amis. Finalement, on faisait le party après. Fait qu'on avait loué dans un auditorium. Toute sa famille, toutes ses amis étaient là avec des masques. Nous, on était là avec nos masques. Puis elle faisait sa performance, puis après ça, on lui disait « Bravo, t'es accepté », puis tout le monde avait son masque, puis là... T'as bonne fête. Bonne fête, maintenant, on s'en va faire le party, puis elle a trippé. Ça doit être assez intense, le moment où tu réalises que finalement, ça fait 2 semaines que tu te fais un peu comme... Ah non, mais elle a trippé. Mais oui, elle a le côté. C'est stimulant, justement, parce que tu l'as vécu, puis tu stuntes tes tripes. Tu sais, il me semble, la déception que moi, je vivrais dans une situation comme ça, c'est de faire... Ah, oh, ça existe pas pour de vrai, c'est les vampires! Ah! Oh! Tu sais, pas, ben voyons, vous m'avez eu, tu sais, c'est pas ça du tout. Tu sais, c'est très positif comme ben, c'est feeling, mais parce qu'elle a vécu son roman préféré. Puis ça, je dis encore aux gens quand ils me disent, ben comment ça va? Mais tu sais, on lit un livre, on regarde un film, y a-t-il quelque chose de plus artificiel que ça? Tu sais, je veux dire, c'est une feuille de papier avec de l'encre dessus, puis ça peut nous empêcher de dormir la nuit. Soit parce que c'est trop bon ou parce que c'est trop épeurant. On vit des émotions à travers une feuille. Fait que si une feuille de papier le fait, imagine si tu as vraiment la personne qui est devant toi puis qui te parle puis qui peut poser des gestes comme si c'était vrai. Mais je sais que tu m'expliquais aussi à un moment donné quand on avait jasé à propos de votre activité de team building. Là, tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est une affaire qui dure 24 heures. Ouais. c'est accessible à tous les niveaux, dans le fond. C'est... Oui, parce que... Mais ça dépend à tout, tous les niveaux. Ça dépend du sens de ta question. Si ça peut être la dame qui est habituée d'être en talon haut puis qui va pas dans le bois parce que ça se passe dans le bois, celui-là. Donc, on va l'ajuster. Mais le fait est que... En tout cas, si on parle de team building en particulier, parce qu'il y a des activités qui c'est juste divertissant. Mm-hmm. Oui, il y a puis du dépassement de soi. Ça, c'est du team building. Non, mais je veux dire, mais par rapport à nos immersions, il y a de nos immersions qui sont purement divertissantes. Oui, je dirais qu'il y a une certaine valeur, parce que, comme par exemple la collègue à Marie qui s'était dépassée à travers Zombie, à travers le fun, elle prenait plus de responsabilités. Puis ça. Le team building, comme on le conçoit, nous, on a vraiment basé sur des études scientifiques pour qu'il y ait vraiment un changement. C'est pas simplement d'aller vivre une activité ensemble puis de créer un souvenir commun, c'est on te transplante, on te met quelque part puis on te fait vivre de quoi qui va te forcer à développer de nouvelles relations interpersonnelles, à développer de nouvelles habiletés personnelles puis au niveau organisationnel. Puis fait que, oui, tu sais, c'est ça cible à la base des équipes de travail parce que c'est ce pourquoi le team building existe, mais un groupe d'amis qui aurait envie de le faire, il pourrait le faire sans problème. Là. Puis parce que c'est des animateurs qui sont là, puis que le scénario, à la base, s'adapte, bien, si on se voit, oh, attends un peu, OK, les autres sont pas tout à fait en forme, ils s'essoufflent rapidement, bien, on l'ajuste. Là, je dis toujours, quand on frappe un mur, on suit le mur, la porte est là. C'est-à-dire que le problème devient partie intégrale de l'histoire. Donc, je dis n'importe quoi, mais mettons qu'ils sont moins en forme, on va dire, « Hey, Colin, tu sais, oh, j'ai recevoir un appel de la base, il faut y retourner, il est arrivé quelque chose. » Tu sais, fait que, oh, on vient d'écourter, mais on fera pas, « Bon, vous n'êtes pas capable, bon, ben, tu sais, non, c'est justement, là, c'est toujours justement, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais faire, puis... Mais c'est ça, on va modifier, on fait de la magie encore, puis les gens, ils s'en rendent pas compte. Un autre exemple, là, que je viens de penser, une activité qu'on offre dans les écoles, parce que c'est l'Institut Épée et Magie, c'est notre. C'est un peu Harry Potter, là, si on veut. C'est comme une école de magie secrète. On a tout créé un univers, tout ça, pour les jeunes. Puis, on a fait plusieurs écoles dans les journées pédagogiques pour venir animer. Ils viennent faire du recrutement dans les écoles, finalement, pour des apprentis. Puis, on a été approchés à Trois-Rivières, à la Maison Grandiose. C'est un centre pour les jeunes handicapés de tout genre, là. Puis ils nous avaient approché, dire on aimerait ça, est-ce que vous pouvez, pensez-vous vous pouvez, puis on a dit absolument oui, parce qu'on s'adapte toujours, justement, aux gens qu'on a devant nous, on est habitué de faire ça constamment, puis on est allé, puis on a passé une super journée avec les jeunes, il y en a qui se sont dépassés, justement, puis, tu sais, ils ont, la responsable de la maison était... On n'en revenait pas à quel point ça s'était bien passé puis à quel point c'était bien adapté à ça. Mais c'est notre c'est ce qu'on fait toujours. Fait qu'on était très contents aussi, mais le résultat était là, cette journée-là. Ça a été très, très marquant, justement. Parce que je disais tantôt, c'est le participant qui a le pied sur le gaz. Fait que qui roule à 5 km/h ou à 25 km/h, c'est sa vitesse de croisière. Fait que nous, on fait simplement s'ajuster à sa vitesse de croisière. Puis ils ont une expérience. Dans les parcours de pair, on le dit à nos immerseurs, si la personne est là, hey, c'est cool, c'est le fun, ben, même si elle n'est pas comme, oh mon Dieu, c'était pas vrai, c'est pas grave. Si elle a du plaisir, elle n'est pas obligée d'avoir, tu sais, d'être terrifiée. Tu sais, il faut qu'elle s'amuse, il faut qu'elle soit en train de poser des gestes puis d'être dans le moment. Fait à partir de là, c'est toi qui vas décider, qui va définir la forme définitive que va prendre ton événement. Comme si t'étais le programmeur, c'est comme un gros life hack. Ouais, mais c'est ça, c'est comme un zombie, tu sais, tu peux y aller plus relax. Tu peux vouloir avoir regardé un petit peu plus ce qui se passe. Il y a des moments où tu vas embarquer, peu importe, quelque chose, on est à chercher à un moment donné, mais tu peux être plus tranquille là-dedans. C'est là pour ça aussi. Puis même le parcours de peur aussi, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de réactions durant le parcours. Ça, des fois, ça déstabilise un peu parce qu'on a l'impression que les immerseurs ont l'impression qu'ils sont pas bons. Mais c'est pas ça du tout. Puis à la fin du parcours, ces gens-là nous le disent à quel point ils ont trippé. Ils l'ont pas tout le temps exprimé. C'est ça, de son très intérieur, ils l'expriment pas, puis à la fin, finalement, c'est la révélation. Oh oui, quand on demande les commentaires, là, c'est là que ça sort, puis ils ont vécu quelque chose. Souvent, c'est les gens qui vont dire, ah oui, telle affaire, t'sais, ils ont tout compris, puis wow, t'as pas beaucoup parlé, mais t'écoutais. Oui, c'est ça. Tu vivais de cette manière. Il n'y a pas de mauvaise façon de le vivre, tant que ça nuit pas à la mise en place de l'événement. Non, effectivement. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est votre façon qui est la bonne. Oui, une question que je me pose, c'est que là, vous parliez, Ça peut être dans une prison, ça peut être dans un cégep, dans un parking, des choses comme ça. Comment se passe une rencontre avec les responsables de cet établissement-là? Arriver et dire bonjour, je me présente. T'as déjà vu un arc-en-ciel? ça se passe comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Je veux dire, ça va vraiment de l'extrême où la personne dit « Mais c'est donc ben malade! Je vais être là avec ma famille. » Puis ça, comme ça, pas de problème. Okay. À d'autres qui nous disent « Non, les zombies, c'est pas une bonne chose. » Tu sais, ou « Je comprends pas. » Ou « Non, on n'a jamais fait ça. » Ou et les négociations, ça peut prendre un an et demi. OK. Mais on devient, tu sais, on perfectionne notre méthode d'écriture puis de production de nos événements, mais aussi notre manière de le présenter. Ouais. Puis les gens, bon, d'une certaine façon, on l'a avec notre pedigree, si on regarde les lieux qu'on a déjà loués, quand j'envoie ce courriel-là, les gens font « Ah, OK ». Puis quand ils me rencontrent, puis ils se rendent compte que je suis dans la quarantaine, tu sais, un gars très sérieux, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, mais il faut généralement être là en personne. Ouais. Parce que sur papier, ça a l'air vraiment fou, là. En fait, c'est ça, parce que c'est un des défis constants qu'on a pour l'entreprise, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Ouais, un travail d'éducation, puis, encore. Encore, tu sais, puis on s'entend, il faut faire la publicité, là, dans la vie, là. Mm-hmm. Puis c'est très difficile, présentement, à développer tout notre marketing, tout notre visuel publicitaire, parce que c'est très dur, en quelques secondes, faire comprendre ce qu'on fait. Ça marche, tu sais, à 95% du temps, quand on est en personne, il n'y a pas de problème, mais... Pour utiliser les médias, là, tabarouette, ça, c'est un cassage de tête. Ouais. Puis ça va jusque même dans les appels, tu sais. Puis là, c'est des fois, on leur dit, c'est comme si on jouait à tag, là, dans vos corridors, puis qu'on a des. Entre adultes, là, tu sais. Là, des fois, ah, ça, ils font, ah, OK, tu sais. Mais c'est ça, c'est bien. C'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience. J'ai l'impression que maintenant, comme les parcours de peur, je veux dire, c'est établi. Ouais. Fait que c'est des lieux historiques, c'est des musées, donc il faut être vigilant de ce point de vue-là, mais ils nous connaissent, on se connaît, ils savent qu'on a à cœur la sécurité de nos participants, on a à cœur l'intégrité de l'édifice, on a à cœur la qualité de l'événement. Donc, c'est vraiment... Ça fait pas 4 ans là, qu'on existe, donc il faut donner le temps. Puis, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est toute une démarche là, intellectuelle là, qui a commencé ça. Pour moi, c'est une nouvelle façon de raconter les histoires. Mm-hmm. Je me souviens d'avoir eu un choc quand j'avais compris que le roman a été inventé à un moment donné. Il y a eu une époque où il n'y avait pas de roman. Ça n'existait pas. Mm-hmm. Puis après ça, tu dis, ben, il n'y avait pas de cinéma. Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de TV. Il n'y avait pas d'Internet. T'sais, on parlait de Netflix tantôt. Ils sont en train de créer une nouvelle façon d'écrire. Comme je disais tout à l'heure, là, ils écrivent un film de 13 heures plutôt que 13 épisodes d'une heure. T'sais, qu'est-ce que ça fait, ça? Quand tu écris comme ça. Donc, pour nous, l'immersion, c'est une nouvelle forme d'écriture, une nouvelle forme narrative qui nous permet de raconter des histoires autrement. Pas nécessairement... d'autres types d'histoires aussi, là, parce que c'est un médium qui... Mais comme le jeu vidéo permet de raconter d'autres types d'histoires d'une autre façon, d'un autre point de vue. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, il y a un travail, vraiment, c'est ça. C'est d'éducation ou juste de... C'est plus d'information. Oui, parce que généralement, quand on en parle, les gens font... ça existe. Donc, ils ont envie d'y participer parce qu'ils ont tous déjà trippé à aller voir, que ce soit un film de Michael Bay ou que ce soit un film de M. Night Shyamalan, que ce soit un roman de Stephen King ou un roman de... Je sais pas, tu sais, trouver quelque chose. Ben, Twilight, mais j'allais dire quelque chose de plus sérieux comme Atlas Shrugged ou quelque chose. D'accord. Pour avoir l'air plus pèteux. Mais tu sais, je veux dire, dans le sens que, tu sais, c'est... Tu dis, je peux faire ça, tu sais, je peux rencontrer Sherlock Holmes. Oui. Tu sais, je peux être dans mon monde de science-fiction. Ouais. Tu sais, je peux me faire kidnapper. Ouais. Tu sais, la technologie fait présentement auquel on a accès permet de créer des effets qui donnent l'impression que c'est magique. T'sais. Donc, c'est vraiment juste une question, c'est ça, de prise de conscience. Tu sais, un peu comme le cliché là, du cinéma qui disait qu'au début, les gens... c'est vrai, c'est pas vrai, j'ai des versions, là, mais que quand le train rentrait en gare, que les gens avaient peur, tu sais, parce qu'ils pouvaient pas décoder que c'était, non, que c'était un film, bien. Que c'était pas vrai. Donc, il y a un peu de ce travail-là à faire, de dire, OK, fait que je pourrais faire ça, tu sais, plutôt que d'aller à Cuba, tu sais, une semaine, je pourrais me payer une immersion d'une semaine, tu sais, je veux dire, c'est pas rentré encore dans la tête des c'est gens. C'est ça, c'est là qu'on va en venir là. Aussi, là, tu sais, c'est développer toutes sortes de concepts aussi, mais tu sais, un exemple que j'aimerais par rapport à ça, à ce que tu dis, c'est de passer du roman au jeu vidéo. Tu sais, quand le jeu vidéo est arrivé, c'est devenu interactif. Tu sais, c'était plus juste ton film, c'était plus juste ta TV, c'était pas juste ton roman. Ça a évolué, ça a évolué. Oui, on s'entend, mais tu sais, c'est devenu interactif avec une plateforme, là, un système. Fait que c'est un peu l'équivalent où ce que ton univers que tu connais, mais tu peux embarquer dedans, puis tu peux poser des gestes. Mais vous avez un beau défi quand même, mm-hmm. ce qui est un peu, puis je vais essayer de l'exprimer, puis des fois ça m'arrive que j'ai de la difficulté à le faire, mais où on doit un peu ramer à contre-courant, où ouais. quand on est jeune, c'est justement, on va jouer à peu importe dans le bois, Cops and Robbers, peu importe, puis l'imaginaire est présent, puis les opportunités, puis les trucs sont très vastes. Ensuite, on vieillit, puis là, ben ça se limite à... On commence à la page 1, on finit à la page 500. Mm-hmm. C'est 13 épisodes, c'est un film d'1h30, mm-hmm. c'est des trucs comme ça. Donc, c'est un peu de ramer à contre-courant ou dire, ridicule les gens à dire, non, regarde, écoute, c'est ton terrain de jeu, fais ce qu'il faut. C'est sûr qu'on est un petit peu en avance sur notre temps. Dans le sens, ça, je le sens, mais... Je pense qu'on est à un bon moment. T'sais, il y a 10 ans, on n'aurait pas pu. Parce que moi, mes parents, ils jouaient pas aux jeux vidéo, nous autres, parce que j'ai vu l'apparition. T'sais, le Nintendo est arrivé quand mm-hmm. j'étais au secondaire à peu près. Fait qu'ils pouvaient pas jouer avec nous autres. Il n'y en avait pas vraiment. T'sais, on programmait notre TRS-80 ensemble, moi et mon père. Wow. Fait que c'était pas vraiment une expérience ludique très, très stimulante. Mais moi, je joue à notre PS3 avec mes jeunes. Puis jouer fait maintenant partie. Bon, parce que c'est toujours la question de chaque génération, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? C'est différent. T'sais, mes parents ont eu leur loisir, c'est beaucoup de faire du bénévolat. Mm-hmm. Alors que moi, ça ne me viendrait pas du tout. Moi, le loisir fait. C'est ça comme. Leur loisir, c'est d'aller dans la chorale, d'aider au club du petit déjeuner. C'est vraiment particulier. Je pense que ça caractérise très bien leur génération. Puis notre génération, en fait, ma génération, c'est de jouer. Tu sais, je pense qu'on est arrivé à ce point-là où les gens ont envie de jouer et que ça fait partie de leur vie. Et l'expérience aussi. Parce ouais. que c'est pas pour rien que les jeux vidéo sont passés de Pac-Man où ce que tu suis le même. Tu sais, ça va juste aller plus vite, c'est tout, jusqu'à temps que tu meurs, à des jeux qui sont... Que tu peux interagir avec tous les objets qui sont interactifs. Sont là, et que dans quelques... Ben, ça fait plusieurs années qu'ils l'annoncent, là, mais Virgin Galactic est censé offrir des voyages dans l'espace d'une durée de 8 minutes. Tu sais, d'ici quelques années, pour 200 000 piastres. Je veux dire, pourquoi faire ça? Tu sais, pourquoi? Tu sais... Parce que il y a un avant et un après. C'est pourquoi. America, fuck yeah. Ben oui, absolument. Parce que j'aurais envie de rajouter mon petit éditorial parce qu'il y a présentement des gens qui meurent de faim et de soif. Ouais. Et nous, on va aller dans l'espace. T'sais, y a vrai, ça, c'est le paradoxe de l'expérience humaine là, de toutes les époques. C'est difficile à même imaginer. Je pense qu'on n'arrive pas à saisir ce que ça représente là, dans le petit monde paradisiaque dans lequel on se trouve. Mais pourquoi le faire? Parce que oui, tu peux, mais. Parce que tu as envie d'être transformé. Il y a beaucoup de gens que je connais maintenant, ils vont plus faire de tourisme, ils vont aller construire une école ouais. au Vietnam. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rencontrer les gens. C'est l'expérience qui prend de plus en plus de place. Puis on le voit déjà dans des chez certaines entreprises qui ont... C'est juste, mettons, du café, là. Mm-hmm. C'est pas l'expérience n'est pas autant extraordinaire que ça. Là. Mais même le mot expérience est devenu un mot valise. Oui, c'est ça. On le voit parce qu'on se confronte un peu à ça. Mais dans le sens de ramer ce que tu disais mm-hmm. tantôt par rapport à quand on est enfant versus à ce qu'on devient adulte, ce que moi je trouve, tu me dirais, Paul, si je me trompe, là, mais il suffit de tomber dans un truc qui fait triper quelqu'un. Ouais. Mais c'est ça. Puis il retombe mm-hmm. exactement dans l'imaginaire qu'on avait tout automatiquement quand ouais. on était petit. Est-ce que c'est Batman? Est-ce que c'est... C'est parce que les zombies, on se le cachera pas avec Walking Dead. Ouais. Mm-hmm. Clairement que il y a toujours un intérêt pour les zombies, là, je pense, là, depuis que ça existe dans l'imagination populaire. Mais avec ça, c'est sûr que ça vient. T'sais, ils peuvent s'imaginer être le personnage qu'ils veulent de cette série-là dans notre épisode, là, s'ils veulent. Tu sais, puis c'est pas si différent. C'est parce que, tu sais, on regarde Walt Disney, là, ça fait longtemps que ça existe, cette idée-là d'être plongé. Ouais. Mais Walt Disney. C'est encore le jeu vidéo. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est Walt Disney qui crée Mickey Mouse et tu vas rencontrer Mickey Mouse. Mais Mickey Mouse, il sort pas de Walt Disney puis il vit juste dans les films de Walt Disney. Mm-hmm. Fait que oui, il crée toujours du nouveau contenu, mais t'es quand même dans cet univers clos. Moi, ce que je te dis, c'est que t'as envie d'être Elvis pendant 2 mois, ben je vais louer Graceland. Mettons, je sais pas combien ça coûterait. Là. Mettons, j'avais 1 milliard de dollars. Mettons, pas de budget. Ou mettons, je vais recréer Graceland à quelque part, même juste l'intérieur, puis tu vas te déguiser en Elvis. Puis tout, t'sais, un autre exemple que je donne aux gens, c'est qu'est-ce qui a fait que François Ier est devenu pape du jour au lendemain? C'est parce que tout le monde autour a dit « t'es le pape ». Puis si du jour au lendemain, tout le monde dit « t'es pas le pape », mais il n'est plus le pape. On fonctionne comme ça. Notre vie est pleine de conventions. Je veux dire, ça, j'en parle ça aussi, c'est qu'on joue de toute façon. Je veux dire, ouais. le choix de vêtements, la façon dont on se comporte, les tatouages, les piercings, c'est tout des comportements qu'on choisit pour créer notre personnage puis pour jouer. Moi, je sais que quand je me rends à tel endroit, ben, je me fais traiter comme un fils. Quand je me rends à tel endroit, ben, je me fais traiter comme un metteur en scène. Quand je me rends à tel endroit, je me fais traiter comme un client. Ou, quand je suis à telle maison, ben, je suis traité comme un père de famille, un mari. J'ai un chapeau dans le fond ouais, de la vie. Ouais, c'est puis, ça. Puis quand on tu a es un zombie, ben, tu peux mettre un chapeau de tueur de zombie. Parce que mais si on décide, on faisait ça quand on était jeune, mon Dieu, c'est juste de ben moi là on faisait de faire semblant de quelque chose, on partait sur un peu une dérape, puis j'ai vite constaté à quel point les gens voulaient croire. Oui. Tu sais, ils veulent te croire premièrement, parce que si on n'était pas honnête le système fonctionnerait pas. Mm-hmm. Si tout le monde mentait tout le temps, mm-hmm. il y aurait aucune société humaine. Donc il faut que notre système fonctionne. Et si on regarde des cas extrêmes, des espèces d'anomalies, par exemple, comme Frank Abagnale dans le film Catch Me If You Can, tu fais, comment il a fait pour faire ça? C'est parce que les gens, ils croient. Mais à partir du moment où on accepte que ces conventions sociales-là sont des conventions et qu'on peut juste les décaler un petit peu, je reviens à mon exemple vraiment premier niveau, là, mais si j'ai le droit de tirer sur la lampe de feu, qu'est-ce que ça fait? T'sais, là, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre devant toi. T'sais. Donc, bon, ça, c'est vraiment, vraiment premier niveau. Là. Je pense que l'exemple est plus pertinent là, par rapport à la jeune fille puis les vampires. Tu sais ce que tu dis? Si les vampires existaient vraiment, qu'est-ce que ça ferait pour toi? Tu sais? Donc, et c'est là qu'on en est rendu. Donc, oui, on est à contre-courant, mais de la même façon que le cinéma, à un moment donné, a été révolutionnaire, tu sais, que, puis qu'aujourd'hui, pff, mon Dieu, tu passes en avant d'un mégaplex, puis pff, tu regardes même pas c'est quoi. Mm-hmm. C'est la même façon que la radio aujourd'hui, que l'Internet, t'sais, que t'sais, les web-séries, que tout ça, ça devient révolutionnaire. À un moment donné, tu fais « Ah, c'est cool! » Mais je pense que c'est ça, c'est le destin de l'immersion. T'sais. Fait qu'un jour, très rapproché, je pense, quand on va dire « immersion », les gens vont demander « Est-ce que c'est de l'immersion de langue? Je vais-tu apprendre l'anglais? Ou est-ce que c'est une immersion, est-ce que je peux jouer? » Puis éventuellement... Le mot, je ne sais pas si ce sera encore immersion, probablement, mais les gens vont savoir de quoi on parle. Oui, c'est ça. Parce que présentement, faut beaucoup expliquer. Ouais. Parce qu'on a créé un peu le terme, là, au sens qu'il fallait bien nommer quelque chose, fallait bien qu'on. Oui, on peut faire de l'animation, mais c'est pas tout à fait de l'animation. Bon. Fait qu'on s'est entendu, on va vraiment dire que c'est ça. Mais tu sais, c'est encourageant parce qu'à Trois-Rivières, puisque ça fait là, quand même quelques années là, qu'on produit notre parcours, on le remarque dans les médias. Ils commencent à utiliser le vocabulaire que nous, on a choisi. Et c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas juste OK, un événement. OK, c'est une compagnie. Puis, ah ouais, t'as un menu là, de toutes sortes de possibilités. Mais je pense que aussi, vous avez un domaine qui va être très connexe avec la genre d'explosion web sociale qui arrive aussi. Ouais, parce que ces gens-là, justement, dans mon cadre professionnel, on a eu une présentation de Christian Bourque de Léger qui parlait justement, dans le temps, on faisait un parallèle avec un client qui disait que des clients mal servis parlaient à tant de pourcents de personnes. Mm-hmm. Puis là, la statistique maintenant, c'est 170 personnes en moyenne que tu vas affecter dans ton quotidien par Facebook, Twitter, etc. Donc, votre domaine est très niche à ça, voulant dire, tu sais, on parlait tantôt de prendre un selfie avec un zombie par terre. Moi, j'ai quelqu'un que je suis sur Instagram, je vois une photo, non, t'es déguisé en militaire, puis t'as prendre en photo avec, au même titre que quelqu'un qui vient d'aller à la chasse, puis qui se prend en photo avec son chevreuil, mais toi, il y a un zombie mort à terre, c'était quoi ça? Ben, tu sais, ça, c'est quelque chose qui va générer beaucoup de traction pour vous, quand on même. On le voit, quand après un épisode zombie, quand après, les gens sont toujours impatients, mais quand on met en ligne les photos, ça monte. Les likes sur la page, là... Puis les photos voyagent beaucoup. On voit ça se promener beaucoup. Là. C'est le fun, parce que les gens, on constate à quel point les gens aiment ça. Les gens sont intrigués par ça. Puis, ils en parlent, fait que c'est notre meilleure publicité, tu sais. Là, on a touché une sphère tantôt, là, puis on parlait de Graceland, justement, puis du milliard de dollars. Mais là, touché une petite fibre sensible. L'immersion. Oui. Tu sais, celle que aujourd'hui là, on parle, Errol n'a pas de budget limite, n'a pas de limite humaine d'effectif, peu importe. Wow. Ça serait quoi l'immersion? Tu sais, je donne un exemple, je sais pas si tu louais le Carrefour Laval, puis on fait un zombie là-dedans. Ah, c'est un peu plus gros que ça. Ben, c'est parce qu'il y en a une, moi, j'en ai quelques-unes. C'est c'est de dévaliser une banque, ça c'est clair, là. Mais si j'avais ça, ça me prendrait peut-être 10 000 piastres, tu sais. Non, mais le concept est que tu... Sur une semaine, tu planifies ton vol. Oui, c'est ça, c'est pas juste rentrer. Qui est animée avec du monde, tout le temps, tu peux rentrer, on crée des personnages que... Tu sais, tu rencontres un ex-policier, tu rencontres le gars qui a installé le système d'alarme, tout est scénarisé pour te donner les outils pour que tu puisses faire un plan qui se tient. Puis le vendredi soir, tu sais, t'as ton immersaire qui, lui, conduit la voiture. Puis tu sais, là, je vends un punch encore, là, mais tu sais, c'est sûr que l'immerseur, à un moment donné, va dire « Hein? C'était pas la voiture de police qu'on avait prévue, là? » Ah, les gars, je pense qu'on est dans la merde. Puis que, là, les chiens pisteurs vont sortir, puis ça va être comme. Puis peut-être même que l'immerseur va se faire blesser. Je veux dire, fait qu'il va arriver de quoi? Tu vas en avoir plus que pour ton argent. Mais sauf que ce serait une semaine 24 sur 24. Ouais. Parce que tu te lèves, si tu veux, tu te lèves en plein milieu de la nuit à 3h du matin, puis tu essaies de rentrer. Mais, si on avait budget illimité, moi, il y en a une immersion. Ils ont fait un Kickstarter là-dessus, là, c'était extraordinaire. Ils ont loué un destroyer. C'était dans un pays scandinave, je ne sais plus lequel. Et pendant, je ne sais plus combien de fins de semaine, ils faisaient Battlestar Galactica. Ouais. Wow. Puis ils avaient mis la technologie, tu sais, c'était vraiment très impressionnant. Donc, quelque chose comme ça, là, tu sais, que tu es dans ton propre vaisseau spatial, parce que là, imagine, là, tu prends, tu sais, tu as les hublots, puis tu as des écrans plasma, puis tu as un jeu vidéo, finalement, fait que tu contrôles, tu sais, puis tu vois le vaisseau passer dans tes écrans plasma, puis tu tires dessus, tu sais, la technologie existe. Bon, c'est une question d'investissement de temps et d'argent. Mais moi, étant un enfant qui a grandi avec Albator, puis Goldorak, puis tout ça, imagine, je te crée un petit VR, que une heure par jour, mettons, tu es dans ton Goldorak, puis tu le pilotes, puis tes écrans plasma, tu sais, comme un simulateur de vol. Ça vibre quand tu te bats contre le Golgot. Puis après ça, tu ressors, puis tu parles au professeur Procyon, puis tu parles à Alcor, puis tu parles à Joaquin, mais tu sais, tu cruises, c'est-tu Vénusia? Je sais pas. C'est ça, c'est le thème vient vraiment important pour chacun, mais c'est pour ça que moi j'irais plus général au sens que c'est un de tes amis qui avait déjà eu cette idée-là, mais c'est un vaisseau spatial, le commandement d'un vaisseau spatial X, Y, Z, ou ce que tu vois dans l'espace, mais c'est tout des écrans, puis tout ce que les gens peuvent faire influence ce que tu vois, puis on se fait attaquer, puis il faut défendre, il faut répondre, parce que ça devient un jeu en même temps, tu sais, c'est presque un jeu vidéo, sauf que tout ce que tu fais vient tout influencé. Tu imagines, c'est ça Star Trek, puis t'es là. Puis quand l'écran s'allume, puis t'as un extraterrestre, il te parle vraiment. Puis si tu dis, va te promener, il fera pas comme, I'm sorry, I don't have the answer to that. Tu sais, il va dire, oh ouais? Piou, piou, piou, piou! Il va te désintégrer. Il n'y a pas un jeu qui a été codé comme ça, je pense. Oui, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. J'étais invité à une game au mois de novembre, faut que je regarde si je peux y aller, mais il y a un jeu, oui, qui existe comme ça. Chaque personne contrôle, soit les communications, l'attaque, le pilotage, oui, des choses oui, comme oui, ça. Oui, c'est ça, ça existe. C'est chacun son ordinateur, puis chacun s'est connecté en réseau, puis chacun, oui, c'est ça, je veux l'essayer. Nous, tout ce qu'on dit, puis c'est là la complexité de notre démarche. Parce que tu disais, ça va être compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste complexe. Mm-hmm. Puis c'est ça que nous, on a développé. C'est cette méthode-là d'écriture. C'est comme quelqu'un qui me dirait, un film, comment tu fais ça, filmer un train qui rentre dans la gare? Ah ben, ça prend A, B, C, D, E. Tu sais, c'est pas A, F, G, X, Z. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est juste complexe. Si t'as l'équipement, tu peux le faire. Aujourd'hui, c'est encore plus simple. Mais tu sais, nous, c'est la même chose. C'est que là, on suit notre méthode, puis on va t'écrire le scénario. Puis que Marie le dit, c'est vraiment le clou, là. C'est la thématique. Oui. C'est la thématique parce que, tu sais, je veux dire, t'aimes-tu lire? Je dis, bon, pas vraiment. Mais tu lis-tu des magazines de sport? Ouais, tu sais. OK, bon, mais c'est ça qu'on va te faire lire. T'sais, ou est-ce que t'aimes les romans? Ben, c'est ça qu'on va te faire lire. Tu t'aimes lire. Puis les situations aussi, parce que, tu sais, on rêve de. Ben, on rêve. C'est toutes des possibilités d'animer des parties de Noël d'entreprise où ce qu'il arrive soudainement quelque chose de. Pas prévu, puis on les surprend, puis on les embarque là-dedans. T'sais, c'est toutes des choses qu'on peut faire, ça aussi. Mais tu sais, justement, on avait participé aussi à un autre qui s'appelait la Bourgade du Père Noël. Puis c'est ça, c'était en Mauricie, puis c'était arrivé à un avant-poste du Père Noël. Fait que c'était pas juste, OK, viens t'asseoir. Non, tu rencontrais vraiment le lutin. Puis t'étais là. Il faisait fret. Le lutin trippait. C'est autre chose. C'est le budget de nain s'est fait exploser ce mois-là. Oui, c'est ça. Il mangeait juste du sucre. Puis tout ça. Mais c'est ça. Tu restes un peu sans voix face à ça parce que tu dis, c'est quoi votre rêve? On va le réaliser. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, je me souviens, je parlais avec une de mes collègues à un moment donné, puis elle a dit, c'est vraiment triste ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle a dit, tu sais, qu'on soit rendu à un point dans notre société où est-ce que les gens sont tellement blasés qu'il faut qu'ils jouent à avoir une vie. Ouais. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je dis non, on est tellement chanceux ici, on a tellement de ressources. T'sais, qu'on peut jouer à avoir une vie. Puis je reviens à mon exemple de Star Trek, The Next Generation. Je donnais ça comme exemple avec mes étudiants. J'ai dit, c'est un monde idyllique, tu sais, où est-ce que tout le monde est à la retraite. Tu sais, parce que la bouffe est fournie, puis il n'y a personne qui a un salaire. Tu sais, les gens sur le vaisseau, pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont envie. C'est les plus qualifiés qui sont aux bonnes places. Là, tu sais, tu peux pas juste dire, ben moi, je vais être tu sais, le capitaine. Non, non, tu sais, faut que tu aies fait tes preuves. Mais le capitaine, il n'est pas payé. Puis sa bouffe, il demande à l'ordinateur, puis elle arrive, sa bouffe. Fait. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver à ce moment-là? Le taux de mobilisation est à 200% pour tout le monde. Ça. Tu vas, ben oui, parce que tu vas faire ce que tu as envie de faire. Puis d'ici à ce qu'on invente, c'est technologie qui nous permet de la faire et qu'on abolisse l'argent. Je veux dire, on peut jouer à être ce qu'on a envie d'être. Comme on le faisait, tu sais, puis c'est ça l'affaire aussi. À partir du moment où on touche la veine sur la thématique, mais la personne fait, ben on faisait ça quand on était petit cul. Ouais, puis c'est ça, puis il y a moins de censure aussi dans un univers fictif qu'on crée, au sens que à Zombie encore, il y a une gang qui ont décidé qu'ils jouent un cartel de la drogue, puis que c'est leur zone, tu sais, puis que puis ça fait qu'ils jouent des espèces de vendeurs de drogue là, des fois ils amènent de la poudre, c'est des bonbons là, puis à l'autre extrême, t'as les scouts. Oui, qui, à un moment donné, ils sont tournés une vidéo contre la drogue, parce qu'ils ont pogné la drogue d'El Diablo, puis ils l'ont flushé dans la toilette. Ils sont filmés en train de le faire, ils l'ont mis sur Internet. Ils sont extraordinaires parce que eux, pour se rassembler, ils ont leur sifflet de scout. Fait que quand ils sont perdus, ils se mettent à siffler. Fait que ça attire toutes les contaminés. Fait que c'est extraordinaire parce que le joueur, tu sais, le participant, se tire dans les. En fait, le personnage tire dans les pattes. Tu sais, l'individu, Philippe, mettons, tu sais, le ferait pas. Dans une situation d'apocalypse, mais son personnage de scout, lui, le ferait. Fait qu'il se tire dans les pieds, il se nuit à lui-même pour se créer du jeu, tu sais. Mais oui, c'est ça, parce que ça amène de quoi. Mais où ce que je voulais en venir avec l'histoire du cartel, c'est que ces gens-là sont pas pour la drogue pour autant, puis ils sont pas en train d'installer un cartel quelconque dans leur quartier, là. Pas du tout, c'est juste un prétexte pour être de quoi justement différent d'eux et qu'ils ont du plaisir à le faire, puis ça donne que ça nourrit bien, puis justement, ils ont développé des histoires avec... Mais il doit quand même avoir un certain petit... Tu sais, on s'entend justement ces gens-là, sans être nécessairement pour la drogue, mais il y a quelque chose qui te stimule à dire du jour au lendemain, bon, OK, oui, c'est un jeu, mais drug dealer, let's go, moi, je me pars un cartel, puis c'est cette beauté-là qui m'attire dans ce concept-là où, du jour au lendemain, tu fais n'importe quoi, tu deviens ce que tu veux. Regarde, la gang du garage, moi, c'est une marque bien raide. Ah oh, oui. Ça n'a pas de sens parce que c'est... OK, ben invente-toi un personnage, invente-toi ce que tu veux, puis on va l'intégrer dans notre concept. Ça, c'est génial. Oui, c'est ça. On offre un terrain de jeu. Puis là, c'est... Tu sais, on a mis un carré de sable. Viens faire ce que tu veux. Puis moi, ce qui me fascine de cette gang-là, c'est que généralement, tu penses, tu sais, tu te dirais, ben on va devenir des super-héros. Non, c'est des jobbers, tu sais, c'est des collègues. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Tu sais, puis ils le jouent bien, là, tu sais, c'est vraiment pas une critique sur ce travail-là, là, vraiment pas, mais tu sais, ils le font vraiment cliché, sale, la cigarette trop maquillée, la cigarette sur le bord de la bouche, la chaîne à moitié attachée, puis ils parlent pas bien, puis... Mais c'est ça, parce que c'est un cliché, parce qu'ils le font de façon cliché. Ben, ça fonctionne, puis ils le font bien, puis ça parce qu'ils y croient. Oui, c'est ça. Parlant d'y croire, puis parlant de terrain de jeu. Là, on a parlé de parcours de peur, on a parlé de zombies, mais concrètement, c'est quand? Ça fonctionne comment pour s'inscrire? Comment on entre en contact avec vous? C'est le moment de la shameless plug. gâtez-vous. Ben écoute, tout est annoncé sur notre site web herole.ca. Puis sur notre page Facebook aussi, elle est très, très, très, très active, où toutes les informations se tiennent vraiment sur les deux. Ça dépend. Parce que Zombie, par exemple, le prochain Zombie, c'est le 25 octobre à Verdun. Après ça, on va en avoir deux autres dans le coin de Trois-Rivières, novembre et janvier. Donc ça, il faut s'inscrire via notre site. Okay. Donc il faut absolument s'inscrire via notre site à herole.ca. Mais... Pour ce qui est du parcours de peur de la vieille prison, ben à Trois-Rivières, c'est via le site de la vieille prison à Trois-Rivières. Donc, il faut téléphoner au musée là-bas. Et le Morin Center à Québec, l'autre parcours de peur, c'est au Morin Center. Donc, ça se fait soit par Internet ou par téléphone. Mais en fait, c'est que c'est eux qui gèrent la billetterie, sauf que si vous allez sur notre site, vous allez... Il y a un lien direct. On va vous diriger, vous allez cliquer sur un lien, puis ça va vous amener vers où est-ce que vous devez aller pour avoir les informations pour s'inscrire. Parce que certaines activités, on est producteur tout seul, comme zombie, alors que d'autres, on a des partenaires. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on décide comment on gère la billetterie. Mais en allant à herole.ca, ben là, c'est sûr que vous avez des liens directs envers tous ces sites-là pour avoir les informations pertinentes. Puis votre recommandation pour des gens là, qui écoutent le collectif, puis c'est la première fois qu'ils entendent parler de votre concept, je commence par quoi? Je commence par un parcours de peur. Ouais. Par ben, ça dépend. C'est parce que, ça dépend ce que si t'aimes. Ouais, si t'aimes pas les montagnes russes, t'sais, mettons, tu me dis, je m'en vais à un parc d'amusement. Je commence-tu par les petits chevaux qui m'ont appelé ça un carrousel, ou les autos tamponneuses, ou les montagnes russes. T'sais, ça dépend. Mais c'est sûr qu'un parcours de peur, c'est plus structuré. Okay. T'sais, c'est-à-dire que ça va durer une heure, puis tu vas passer de la salle A à B à C à D. Tu n'auras pas l'impression que tu te fais pousser. Ça va faire, ah, j'ai pas le choix, l'histoire, mais il faut que j'aille là-bas maintenant. Ouais, puis c'est un thème d'horreur au sens où on crée des tensions, on crée des malaises, on joue dans des univers plus glauques. C'est ça, ça va avec l'Halloween, mais sinon, faut aimer ça. C'est ça, parce que sinon, ça dépend. Comme l'Institut, c'est pour les écoles primaires. Donc, pour ça, vous avez beaucoup. C'est quoi votre démographie? Notre démographie se situe avec les 4 à 5 ans. Mais ouais, mais tu sais, quelqu'un pourrait entendre parler. Un parti privé de CSI. Ben, ça, oui, non, mais pour l'Institut, quelqu'un voudrait, ah, moi, j'aimerais ça que ce soit l'école de mon jeune. Ou, après ça, tu sais, une autre chose qu'on n'a vraiment complètement pas parlé, mais on est associé à parler de partenaires. On a un spectacle équestre aussi avec quelqu'un. Oui. On s'est associé qu'on rend participatif, qu'on rend plus interactif. Un spectacle équestre. Ouais, ça c'était l'été. Participatif. Ouais, c'est ben tu sais, c'est ça, c'est un beau défi parce que c'est briser certaines conventions d'un spectacle qui sont très très établies, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est d'amener des gens dans certaines scènes durant le spectacle, puis de les faire voter sur certains déroulements du spectacle aussi. Mm-hmm. Fait qu'on travaille... ça, c'était la première fois qu'on faisait cet été. Là, mais tu sais, pour répondre à la question, en fait, c'est ça. Je dirais, première, pour ceux présentement qui veulent venir maintenant, ce serait un parcours de peur. Parce que ça ressemble plus... Tu sais, vu que c'est plus structuré, ça ressemble plus à une trame narrative auquel on est habitué. Même si c'est interactif. C'est pas senti fond, comme là, ça. Mais parce que zombie, si t'es tout seul et tu sais pas quoi faire, tu vas avoir 300 personnes qui courent autour de toi puis tu vas peut-être faire... Bon, avec qui je m'associe, tu vas peut-être te faire tirer par quelqu'un. Ben, pourquoi le zombie m'a attaqué? J'ai rien fait. T'sais. Fait que, il y a un peu plus, il y a plus de prise de décision de ce point de vue-là. Alors que, parcours de peur, tu es un petit peu plus pris en charge par les immerseurs. Mm-hmm. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'immersion, point, là, je dirais un parcours de peur. Mais encore, mais sinon, ça dépend de la thématique. Mais c'est ça, ça dépend vraiment de la thématique. Fait que ça serait d'aller voir ce qu'il y a d'accessible présentement. Mm-hmm. Ça serait d'aller voir ce qu'on a fait aussi. Comme notre spectacle, mais ça va être juste l'été prochain. Là. Mais si les gens veulent se tenir informés, fait que c'est un peu de voir présentement qu'est-ce qui est à faire, puis de nous pas hésiter à nous contacter du tout, là, puis poser des questions. Pour des idées folles. Ouais, mais tu sais, c'est un peu comme demander à quelqu'un, bon, je veux commencer à jouer aux jeux vidéo pour la première fois. Qu'est-ce que tu me recommandes? T'sais, je commence-tu par Pac-Man? Pas nécessairement. C'est peut-être pas une bonne idée, ça va peut-être t'écœurer. Dans le fond, on va vous inviter à aller voir la page Erol.ca. Vous pouvez aller visiter également la page Facebook d'Erol. Erol. Erol, oui. Non, oui, j'oublie mon... ton accent complexe. Allez! Donc, allez visiter les pages, que ce soit la page web, la page Facebook. On va les partager sur la page du collectif aussi également. Éric, Marie, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi ce soir. Milter et Éric s'excusent de ne pas avoir pu être présents. Ce sera pour une prochaine fois. Ce sera quand t'as remise, effectivement. Ça nous fait vraiment bien plaisir. Mais on se demande est-ce qu'on va vous voir le 25 octobre à Verdun? Il y a des très bonnes chances qu'on soit présents le 25 à Verdun, effectivement. Je suis juste en train de valider avec mes collègues au niveau des disponibilités, mais honnêtement, depuis Comic-Con, ça me trotte dans la tête. J'ai le goût de m'essayer. Donc, il y a des très bonnes chances que je vienne m'essayer, c'est sûr et certain. Je sais juste pas, civil, soldat ou peu importe, le choix déchirant à ce moment-là, puis quel gun nerf que je vais amener, parce que j'ai un arsenal tout plein. Ah, voilà. Déjà prêt, c'est bon. Excellent. Ben, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Grand plaisir. Puis on va se revoir les gens du collectif la semaine prochaine pour l'épisode 50. On va faire un récapitulatif du projet. Ça fait déjà 2 ans, donc 50 épisodes. On va célébrer ça un petit peu ensemble. Donc merci à tout le monde. On se revoit. À bientôt.